Bien, bonjour à toutes et tous. Je vais, dans le temps qui m'est imparti, tenter de vous présenter le regard institutionnel sur le fonctionnement de la déontologie des agents publics. Alors, ce regard, je le nourris à travers différentes expériences. Celle d'abord de magistrat administratif, chargé au contentieux d'examiner les recours dirigés contre notamment les sanctions disciplinaires. Et parce que la réglementation le prévoit, les magistrats administratifs président les conseils de discipline de la fonction publique territoriale. Donc j'ai longtemps présidé des conseils de discipline. Autre expérience qui nourrit ce regard que je vais vous présenter, des fonctions exercées à l'Inspection générale de la police nationale en qualité de chargé de mission. Et j'étais chargé d'apporter de contribuer à l'expertise développée par l'inspection en matière de déontologie au regard, vous le savez, ça a été rappelé, au regard de l'exemplarité exigée des forces de l'ordre. Et la police, là aussi, ça a été rappelé, la police nationale s'était dotée très tôt d'un code de déontologie, dès 1986. Aujourd'hui, ce code, il est commun à la police et à la gendarmerie nationale. Il est dans le code de la sécurité intérieure. Alors, c'est une vraie problématique, parce que la police nationale, c'est grosso modo 2000 sanctions disciplinaires par an. Et ça représente, là aussi, grosso modo, à peu près la moitié des sanctions infligées aux fonctionnaires de l'État. Enfin, expérience actuelle, je travaille donc, comme l'a indiqué Mathilde Icard au début de cet échange, je suis chef de département à la Direction générale de l'administration et de la fonction publique, et donc dans ce cadre-là, j'ai en charge le suivi des règles relatives au statut général des fonctionnaires, enfin des agents publics, des trois versants de la fonction publique, et dans ce cadre-là, je suis en charge de l'élaboration et des suivis des règles relatives à la déontologie des agents publics et notamment à la déontologie et notamment également à la discipline. Et comme cela a été dit par Mathilde Icard, avant qu'elle ne soit supprimée le 1er février 2020, j'ai été très longtemps rapporteur à la commission de déontologie de la fonction publique. Alors aujourd'hui, je vous présente ce regard nourri de ces différentes expériences et je ne parle pas au nom de la DGAFP. Voilà, je parle en mon nom propre avec ce que j'ai pu percevoir au cours de ces expériences professionnelles. Alors, ce que je souhaitais vous dire, alors, je ne vais pas rappeler les principes et les règles qui s'appliquent aux agents publics. Elles ont été en partie rappelées, puis elles sont très bien exposées dans l'ouvrage. Ce corpus de règles communes, qui sont aujourd'hui codifiées dans le Code général de la fonction publique, s'applique aux trois versants de la fonction publique, fonction publique de l'État, fonction publique territoriale et fonction publique hospitalière, ce qui représente une masse de 5,5 millions d'agents. Agents publics, ce sont les fonctionnaires d'une part et les contractuels d'autre part, étant précisé que, grosso modo, là aussi, sur ces 5,5 millions d'agents publics, il y a, ça dépend des versants de la fonction publique, mais 20% d'agents contractuels dans la fonction publique. Alors, ce que je voulais simplement vous rappeler, c'est l'importance, mais ça a été dit encore une fois, l'importance de la loi du 20 avril 2016, qu'il n'y avait rien avant, loin de là, et c'est encore une fois très bien retracé dans l'ouvrage, mais la loi du 20 avril 2016, elle s'inscrit dans le temps, vous avez parlé du temps déontologique, c'est ça, ou du moment déontologique, donc c'est vrai, mais c'est un moment important, puisque c'est l'affirmation dans la loi, donc aujourd'hui dans le code, de principes préexistants, mais qui étaient surtout d'origine jurisprudentielle. Et donc, je vous lis simplement, je ne vais pas vous abreuver de citations, loin de là, bien sûr. La loi a prévu que le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Bon, c'est le rappel de principes, encore une fois, qui existaient, mais qui sont affirmés de manière claire. La loi de 2016 a également donné une définition du conflit d'intérêts et, des mécanismes et instaurer des mécanismes pour l'encadrer. Et donc, ce que je souhaitais vous indiquer, c'est vous présenter comment fonctionne la mise en œuvre de ces règles déontologiques. Alors, d'abord, pour vous dire qu'on a un peu de difficulté à documenter statistiquement ce dont je vais vous parler. Alors, moi, je vais centrer mon propos sur les situations, je dirais, les plus délicates, je ne sais pas. C'est le moment où l'agent public sort de la fonction publique pour aller travailler dans la sphère privée. Donc, c'est ce qu'on appelle la mobilité. Hein. Elle est politique RH, elle est encouragée. Hein. On veut que les agents publics sortent de la fonction publique. On veut que les agents publics changent de fonction publique, hein, qu'un fonctionnaire de l'État aille dans la fonction publique territoriale et qu'un fonctionnaire hospitalier vienne dans la fonction publique territoriale. Donc ça, c'est encouragé. Mais ce qui est également encouragé, c'est qu'un fonctionnaire puisse, le cas échéant, en fonction de son expérience, effectivement, aller travailler quelque temps dans la sphère privée avant de revenir dans la fonction publique. Tout ça pour nourrir, en fait, pour nourrir différentes expériences. Donc ça, c'est le premier temps un peu, qui peut soulever des difficultés. Et puis, le deuxième aspect, c'est lorsque, et donc c'était indiqué également, hein, en termes de volume, c'est plus important, c'est les moments où, l'agent public sollicite l'autorisation d'exercer un cumul d'activités. Hein. Le cumul d'activités, c'est vraiment un phénomène qui est très répandu. Voilà. Et tout ça pour vous dire que, en propos introductif, que, on n'a pas, hélas, on nous le demande hein, régulièrement, encore récemment, la Cour des comptes nous a interrogés en disant de donner des chiffres, c'est difficile. Il y a une multiplicité d'employeurs hein, au sein de l'État, bon, il y a différents départements ministériels qui sont plutôt bien structurés, mais au sein de la fonction publique territoriale et au sein de la fonction publique hospitalière, il y a des milliers, des dizaines de milliers même, de structures, donc difficile, à défaut d'outils statistiques ou à défaut de logiciels, je ne sais pas, qui n'existent pas aujourd'hui, de pouvoir recenser précisément ce phénomène-là. Alors, je souhaitais vous dire qu'aujourd'hui, de manière très pratique, ce qui a changé, c'est ce qui s'est passé avec la loi du 6 août 2019, qui a marqué une évolution importante. Alors, je vous parle rapidement du paysage avant la loi du 6 août 2019. C'est pour les situations que j'ai évoquées, hein, de départ en mobilité et de cumul d'activités, l'existence de la commission déontologie de la fonction publique, à laquelle j'ai longtemps participé, qui était une commission administrative, hein, donc pas une autorité administrative indépendante, une simple commission administrative, présidée par un Conseil d'État et avec une composition qui assurait quand même une indépendance. La qualité de ses travaux était quand même plutôt reconnue. Cette commission, donc, était chargée d'examiner, en dépit de son nom un peu générique, hein, commission de déontologie de la fonction publique, elle n'avait à apprécier que des situations de départ, comme je vous l'indique, de départ dans le privé, de situations de cumul d'activités, enfin de certains cumuls d'activités, je fais simple. Ce paysage-là, il a donc profondément évolué en 2019, puisque on a supprimé la commission déontologie de la fonction publique, au motif qu'on a voulu responsabiliser les administrations, les supérieurs hiérarchiques, et donc on a, même si le terme peut-être est impropre, internalisé un peu le contrôle déontologique. C'est-à-dire qu'avant, lorsque un agent envisageait de partir ou d'exercer un cumul, c'était simple, l'employeur n'avait pas tellement, l'autorité hiérarchique n'avait pas tellement à s'interroger longuement. Un dossier saisine de la commission déontologie qui rendait un avis, comme je vous l'ai dit, compte tenu de son aura, l'avis était suivi dans tous les cas. Et en dernier lieu, en 2019, la commission déontologie a rendu 9000 avis. Alors, en 2019, on change de système, suppression de la commission déontologie, qui assurait un regard détaché, un regard national, donc une activité nationale, donc cohérente pour l'ensemble des trois versants de la fonction publique. Donc on a changé de système et on a dit, ben maintenant, c'est l'administration qui apprécie elle-même si la demande dont son agent le saisit, si cette demande pose ou pas une difficulté. Alors, on a quand même réservé le haut du, enfin ce qu'on appelle le haut du spectre, les très hauts fonctionnaires, dont on s'est dit qu'ils étaient peut-être les plus susceptibles de poser des difficultés en termes de déontologie, on les a, transféré ce que faisait la commission de déontologie, pardon, à la haute autorité, l'HATVP, hein, qui avait été créée, comme ça a été rappelé, en 2013. Mais voilà, ce transfert, on lit régulièrement, c'est pas dans votre ouvrage, mais dans d'autres articles, on peut lire que l'activité de la commission de déontologie était transférée à la haute autorité. Ce n'est pas vrai. Ce n'a été transféré que pour une population de 15 000 agents. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure que la fonction publique, je ne compte pas les militaires qui ont un autre système, la fonction publique, tout versant confondu, c'est 5,5 millions d'agents. La haute autorité n'est compétente que pour 15 000 agents. Vous voyez, donc c'est un champ infime. Voilà. Ce qui veut dire que pour les autres, les 5 400 000 et quelques, eh bien, c'est l'autorité administrative qui apprécie ce que demande son agent est, comment dire, pour le faire très simple, déontologique. Ça interroge. Et j'ai relevé dans votre ouvrage, à la page 80, et je suis comme plutôt en accord à ce que vous écrivez à ce moment-là, vous dites, alors j'ai pas forcément noté la phrase entière, mais vous parlez d'un risque d'un système déconcentré, et on y est, hein, risque parce qu'on est confronté à des autorités hiérarchiques complaisantes. Bon. Et le risque que vous évoquez, il n'est pas dénué de fondement. Hein. Lorsque j'étais rapporteur à la commission déontologie, donc avant sa suppression au 1er février 2020, j'ai examiné de nombreux dossiers avant qu'elle soit examinée par la commission. Et effectivement, je dirais que les choses étaient peut-être plus balisées, plus connues pour les mobilités vers le privé. En revanche, pour le cumul, c'est un peu terre inconnue. Hein. Et donc, moi, j'ai vu de très nombreux dossiers, pardon, où la demande de cumul de l'agent... le dossier qui devait être déposé devant la commission déontologie comportait un document qui indiquait la position de l'administration d'origine de l'agent, et notamment du supérieur hiérarchique. Et moi, j'ai eu de très nombreux dossiers, je schématise un peu excessivement peut-être, mais où il était indiqué, mais enfin, parfois, je l'ai vu vraiment de manière littérale, agent, très bon agent, donc accord pour son cumul. Vous voyez, on est vraiment sur des champs qui n'ont rien à voir. On peut être très bon agent, et effectivement, il y a beaucoup de très bons agents dans la fonction publique, mais ça n'en retire pas la question de savoir si le cumul qu'il veut exercer soulève ou pas une question déontologique. Vous voyez. Donc, le risque, encore une fois, de je reprends vos termes, hein, d'autorité hiérarchique complaisante, il est réel. Moi, je l'ai vu concrètement dans pas nombreux dossiers, mais enfin régulièrement. Et donc, aujourd'hui, dans ce nouveau système que je vous décris depuis le 1er février 2020, on peut peut-être émettre des réserves sur l'efficience du système tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, je crois, que je voulais vous dire, c'est que le système qui a été mis en place et qui est celui en vigueur aujourd'hui, hein, par la loi du 6 août 2019, c'est une fusée à 3 étages. Le premier étage de la fusée, c'est le supérieur hiérarchique, dont on vient de parler, hein, qui en principe, c'est lui, c'est le premier acteur de la déontologie de l'agent. C'est lui qui est au quotidien à côté de l'agent et qui peut apprécier, les cas échéants, les dérives ou les difficultés. Bon, le second étage de la fusée, c'est, on en a parlé, vous en avez parlé longuement, c'est le référent déontologue. Et enfin, le troisième étage de la fusée, actuellement, c'est, et pour un spectre un peu étroit, c'est la haute autorité de transparence de la vie publique. Alors, le supérieur hiérarchique, j'y reviens pas. Le référent déontologue, bon, là aussi, c'est très bien dit dans votre ouvrage, hein, la loi du 20 août 2019 le crée, on donne les conditions de qui peut exercer ses fonctions, soit un individu, soit une personne, pardon, soit un collège. Bon, tout ça, en tout cas, pour le regard que j'en ai aujourd'hui en travaillant à la DGAFP, et alors DGAFP, elle a un petit biais, elle connaît plutôt bien ce qui se passe dans la fonction publique de l'État, parfois un peu moins bien dans ce qui se passe dans les autres fonctions publiques, hein, hospitalières et territoriales. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que dans la fonction publique de l'État, on s'est approprié le dispositif. Hein, il y a dans chaque département ministériel un référent déontologue ministériel et la DGFP et mon département animons le réseau de ces référents que nous rencontrons à intervalles réguliers. Ces référents déontologues ministériels nous disent bien que en dessous, enfin, il y a la tête de réseau, hein, le référent déontologue ministériel, et puis dans l'ensemble de l'administration des relais qui assurent ce rôle de référent déontologue à tous les échelons de la hiérarchie administrative. Ce qu'on peut constater, c'est que ces référents, peut-être, ce que je viens de vous dire sur la fonction publique de l'État n'est pas forcément vrai pour les autres fonctions publiques. Ce référent, même si parfois certains référents déontologues ministériels nous le disent, sont un peu isolés. Il y a peut-être la question que je n'évoque pas, mais que je ne fais que citer, de la formation. Hein. Il n'y a pas de formation obligatoire hein, pour être référent déontologue, même si les choix qui peuvent être faits sont souvent de très bons choix. Bon, mais en tout cas, il n'y a pas de formation à l'entrée. Et donc, ces référents-là peuvent être parfois un peu démunis, parce que même si, je ne sais pas si, comment vous le percevez, ce sera peut-être l'occasion des questions, mais on est quand même face à une réglementation, en tout cas en France, ça a été dit, hein, très riche. On aime bien en France les règles, hein, ça, il n'y a pas de problème. On sait les faire, on les superpose, on ne sait pas toujours les appliquer, on ne sait pas s'assurer de la cohérence entre elles, mais on aime les règles. Donc aujourd'hui, quand vous êtes supérieur hiérarchique lambda, quand vous êtes référent déontologue lambda, eh bien, vous appropriez une fois de temps en temps, lorsque votre agent vous dit ben, « moi j'ai envie de faire un cumul pour faire ça » ou ben, « écoutez, moi j'envisage de partir dans telle boîte », vous voyez, donc c'est difficile pour quelqu'un qui n'a à appliquer un dispositif complexe qu'une fois de temps en temps, ce qui est le cas des supérieurs hiérarchiques, c'est difficile de s'approprier le dispositif. Voilà. Et donc, tant le supérieur hiérarchique que le référent déontologue, mais à une moindre mesure, rencontrent des difficultés parce que le système est complexe, parce que les outils mis à la disposition de ce premier et deuxième étage ne sont pas toujours... pas suffisamment riche. Il manque peut-être d'outils, de plateformes, même si on essaie, certains ministères, hein, le ministère de l'économie et des finances, je ne sais plus comment on dit comme ça, mais enfin bref, Bercy, vous avez compris, est plutôt en pointe hein, dans ce domaine-là. Il y a un réseau très développé au sein du ministère. Alors effectivement, il y a aussi une sensibilité particulière au ministère de l'économie et des finances, mais leur réseau est plutôt bien. Les référents déontologues disposent d'outils vraiment très opérationnels. En revanche, et pour avoir participé notamment cette année à la Haute Autorité, à la réunion des référents déontologues, on voit bien quand même que, alors c'est pas pour le stigmatiser, mais il y avait de nombreux référents déontologues de la fonction publique territoriale qui étaient présents à la réunion organisée fin juin à la Haute Autorité au Sénat. On voit bien quand même qu'ils sont démunis, ils manquent d'outils, hein, vraiment, ils le disent bien. Donc dans ce cas-là, vous voyez, cette culture déontologique, elle progresse lentement. On va vers du mieux sans doute, mais voilà, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Et enfin, le dernier étage de la fusée, c'est la Haute Autorité. Donc, je le rappelle pas, créé en 2013, transfert en 2019 de certaines compétences. La Haute Autorité, je vous l'ai dit, elle n'est compétente que pour, grosso modo, hein, un vivier de 15 000 agents publics, ceux qui sortent, et c'est une innovation de la loi de 2019, aussi ceux qui veulent revenir. Et là, on est sur, grosso modo, même si j'ai plus les chiffres vraiment précisément en tête, on est sur des grandeurs comparables. Hein. Le vivier des agents contrôlés par la Haute Autorité pour ceux qui veulent partir, je crois que c'est 15 000, et il me semble que le vivier de ceux qui veulent revenir, il est un peu moins élevé, mais j'ai plus le chiffre en tête. Le rétro-pantouflage, exactement. Voilà. Donc, la Haute Autorité est une autorité administrative indépendante qui se vit vraiment indépendante, de sorte que la DGFP, notamment, essaie de... Enfin, on essaie à la DGAFP d'avoir des liens avec la haute autorité, parce que c'est nous, DGAFP, nous, ministère de la fonction publique, qui avons en charge l'élaboration, l'élaboration des règles relatives à la déontologie. La haute autorité ne fait qu'appliquer les règles. Donc on est quand même en lien pour essayer de voir si le système, et il est nécessairement, si le système est perfectible. Voilà pour la description de l'architecture telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Je souhaitais vous dire d'autres choses. Vous dire, par exemple, que avec la Haute Autorité, nous avons identifié effectivement certaines difficultés. Et une difficulté majeure que je cite, que je porte à votre connaissance, c'est que aujourd'hui, je ne sais pas si le terme était déjà utilisé, il y a un trou, un méga trou dans la raquette. C'est-à-dire que les agents publics qui ne respecteraient pas, alors je ne parle pas du champ pénal, hein, je parle du champ déontologique, mais les agents publics qui ne respecteraient pas les règles déontologiques lors de cumul ou lors surtout de départ vers le privé, eh bien ces agents-là, en fait, n'ont à craindre, en termes déontologiques, n'ont à craindre que si leur situation a été examinée par la haute autorité, donc en fait le haut du spectre. Mais l'agent lambda, qui ne respecterait pas l'avis de son supérieur hiérarchique ou l'avis du référent déontologue, eh bien, potentiellement, cet agent public qui méconnaîtrait ces avis-là, eh bien, n'encourt aucune sanction déontologique. Alors, par sanction déontologique, j'entends, ça peut être la nullité du contrat de travail que l'agent public signerait avec une société privée, ça peut être des droits sur la retraite, je crois, j'ai oublié les... C'est l'article L124-20 du Code général de la fonction publique. Et donc là, il y a une vraie difficulté. Grâce à la complicité bienveillante de la haute autorité, on arrive à, pour l'instant, à pallier la difficulté, parce que, je ne vous l'ai pas dit, et vous le lirez, c'est très bien indiqué, même si la haute autorité ne s'occupe que des 15 000 agents aux fonctionnaires que je vous ai cités, elle peut quand même, l'administration peut quand même saisir la haute autorité lorsque elle considère que la situation d'un agent qui ne serait pas éligible au contrôle de la haute autorité, lorsqu'une difficulté est sérieuse, elle peut la saisir. Et l'administration passe par cet artifice de dire qu'il y a une difficulté sérieuse, alors même que peut-être, évidemment, le projet de l'agent est complètement hérétique. Eh bien, elle saisit la haute autorité, puisque une fois que la haute autorité est saisie, les sanctions prévues par le code, les sanctions qui sont non pénales, les sanctions prévues par le code peuvent être appliquées à l'agent. Alors, on a identifié cette lacune. Il y aura peut-être prochainement des évolutions, parce que je souhaitais vous l'indiquer à titre d'actualité. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais du coup, j'ai plus la référence. Si. Récemment, le Conseil d'État a été saisi. Alors, la juridiction administrative a été saisie d'une situation individuelle, je ne vous en parle pas. Mais en tout cas, le Conseil d'État a pris une décision le 25 octobre dernier, donc il y a deux semaines, sous le numéro, pour ceux que ça intéresse, 494-061. Et le Conseil d'État a transmis au Conseil constitutionnel une QPC pour dire que l'article dont je vous parlais, le L124-20 du Code général de la fonction publique, qui prévoit les sanctions si l'agent public ne respecte pas l'avis de son supérieur ou l'avis du référent, eh bien, le Conseil d'État a considéré qu'il y avait un vrai sujet, raison pour laquelle il a transféré au Conseil constitutionnel, un vrai sujet de la régularité au regard de la Constitution de ce dispositif du Code général de la fonction publique, ce qui fait que, à supposer que le Conseil constitutionnel annule les dispositions critiquées devant lui, eh bien, ça nous obligerait, nous, législateurs, enfin, nous, législateurs, je ne suis pas législateur, enfin, nous, rédacteurs, en termes, pour un projet de loi, nous, rédacteurs des règles déontologiques, ça nous obligerait à peut-être à remettre à plat un petit peu ce dispositif-là, ces règles-là, et peut-être embarquer, effectivement, la possibilité de sanctionner les agents, tous les niveaux d'agents, en fait. Voilà. Donc, on a ça. On a ça en cours. Ensuite, donc, je ne vais pas m'étendre beaucoup plus longtemps, mais vous indiquiez tout à l'heure, et je vous indique que c'est un projet, vous disiez, parce qu'il y a un vrai problème de culture, hein, comme vous le percevez sans doute, il y a un vrai problème de formation. Alors, dans les écoles du service public, des modules de déontologie, alors peut-être, vous avez un peu dit que peut-être ce n'était pas en volume assez nombreux, enfin, bon, en tout cas, ça existe. Mais la vraie difficulté aujourd'hui, ce sont les agents contractuels. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 20% des agents de la fonction publique sont des agents contractuels. Donc, il y a un flux constant d'entrée et de sortie, plus ou moins, parce que l'agent contractuel, en l'état actuel des règles, je fais simple, c'est 6 ans max, en principe. Donc, ça veut dire qu'un agent contractuel, il n'a pas vocation, sauf si vous êtes agent contractuel en CDI. Il y a aussi de nombreux CDI. Aujourd'hui, on l'oublie, je vous l'indique, pour votre culture administrative, parce que c'est quelque chose que j'ai moi aussi découvert. Je vous ai dit, donc, il y a 20% d'agents contractuels dans la fonction publique. Et sur cette masse d'agents contractuels, grosso modo, les chiffres sont variables selon les fonctions publiques, il y a à peu près 50% d'agents contractuels qui sont en CDI. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a un autre 50% qui sont des agents en CDD et donc qui n'ont pas vocation à rester dans la fonction publique. Et ces gens-là, en fait, ont une culture déontologique faible, voire nulle, voire même se posent la question « pourquoi des règles déontologiques ?» Et donc, effectivement, vous l'avez indiqué, je trouve tout à fait pertinent, on devrait informer les agents avant d'entrer dans la fonction publique, ces agents-là contractuels, des obligations auxquelles ils vont être soumis. Voilà. C'est pas fait, ou très peu fait, ou mal fait. Ce que je peux vous indiquer, c'est que, vous le savez peut-être, le Code général de la fonction publique, partie législative, est sorti en mars, je crois, mars 2022, applicable à partir de mars 2022. La DGAFP travaille en ce moment sur la partie réglementaire du Code général de la fonction publique. La partie législative, c'est 1200 articles. La partie réglementaire, on est sur un niveau à peu près de 5 à 6 000 articles. Bon, ouais, il faut du courage. Il est prévu dans le livre 3 de la partie réglementaire du Code général de la fonction publique, un article qui n'est pas réellement un droit constant. D'ailleurs, je vous le livre comme ça pour votre information. Il n'a pas été encore examiné par le Conseil d'État. On n'est pas à droit constant, mais on a, en principe, la codification, c'est un droit constant, mais par petite touche, on a le droit de faire du non constant. Voilà. Et on va, on va écrire que, je vous cite ce qui est prévu dans notre projet actuel, une information relative aux obligations et principes déontologiques mentionnés dans le code est donnée aux candidats présélectionnés, aux candidats à un emploi contractuel. Voilà. Vous voyez, donc, ça progresse, lentement, mais ça progresse. Allez, encore quelques minutes pour vous dire que, effectivement, comme je vous le disais dans mon propos, au début de mon propos, on manque d'outils statistiques. Voilà. Bon, on n'est pas en mesure aujourd'hui de quantifier ce phénomène de mobilité et de cumul. Encore une fois, ce sont les cumuls qui sont très très nombreux. En termes de formation, il y a des progrès. Ils sont sans doute encore insuffisants. On n'a pas inscrit, vous le savez sans doute, la loi d'août 2021 a prévu, et c'est la seule hypothèse, a prévu dans la loi, dans le Code général de la fonction publique, que tous les agents publics doivent être formés à la laïcité. Voilà. C'est pas le cas pour les règles déontologiques. Bon, c'est pas beaucoup, mais c'est prévu par la loi. La mise en œuvre est peut-être difficile, mais en tout cas, c'est prévu. Avec un objectif certes ambitieux de fin d'année 2025, ça ne sera pas le cas, mais en tout cas, il y a cet objectif qui est affiché. Peut-être faudrait-il faire la même chose en termes pour les règles déontologiques. Et ensuite, vous dire qu'effectivement, oui. Bien sûr, une obligation déontologique, effectivement, oui. Ouais. Pour vous dire encore une fois que ce qui est vraiment en jeu, c'est l'appropriation par tous les acteurs, les agents eux-mêmes, mais leurs supérieurs, les référents déontologues, c'est l'appropriation de ce corpus de règles. c'est en cours. À l'échelle, voyez, on disait que les années 2010 c'était le moment déontologique. Voilà, c'est jamais que la décennie précédente. C'est lent, ça se diffuse lentement. Je crois qu'il y a une vraie volonté quand même. Enfin, c'est un sujet quand même qui est pris à bras le corps. Vous écriviez dans votre livre, page 37, page 47, pardon, vous releviez. Mais je ne sais pas si vous, si c'est ce que vous écrivez, enfin, comment dire, non pas que ce soit pas vrai, mais vous dites, page 47, que vous trouvez inquiétant que dans le Code général de la fonction publique, dans le titre des subdivisions, le terme déontologie n'apparaît pas dans les subdivisions, dans le nom des sections ou des chapitres. Bon, alors vous trouvez ça inquiétant, il faut être pas trop pessimiste, hein. C'est peut-être en termes de, comment dire, de codification, il n'y a pas eu des choses qui auraient pu être meilleures, peut-être. Je n'en sais rien, je ne critique pas le travail qui a pu être fait. Mais pour autant, le sujet déontologique, il reste porté avec une attention particulière. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et vous releviez, hein, je confirme, page 202. C'est pour vous prouver que j'ai lu le. Voilà. vous indiquez, et c'est vrai, hein, et c'est le vrai sujet sur lequel on est en train de travailler, nous, en ce moment, la DGAFP. Vous indiquez, page 202, le régime encadrant le cumul d'activités des agents publics est particulièrement complexe. Alors, vous souhaitiez, je ne sais pas quelle page, je l'ai noté, mais j'ai oublié, vous souhaitiez, je crois, qu'on élargisse les hypothèses, hein, vous l'avez évoqué tout à l'heure, qu'on élargisse les hypothèses de cumul. Parce que vous trouviez que le système aujourd'hui, il a un peu, comment dire, il défavorise. Il est plus limitant pour les agents de catégorie C et B. Vous avez sans doute en partie raison. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que, et pour en avoir échangé avec les référents déontologues ministériels, on n'est pas sur ce genre de prospective. Hein. On veut rappeler avec force que l'agent public, il doit consacrer l'exclusivité en principe de son temps de travail à exercer sa mission administrative au bénéfice du service public. Voilà. Parce qu'il a pu être compris parfois de manière un peu mal compris que on pouvait exercer que le droit à exercer une activité secondaire était presque un droit. Voilà. Il y a ça, en germe dans la tête de beaucoup d'agents publics. On va réaffirmer, on est en train d'y travailler, on va réaffirmer que non, il y a un principe que je viens de rappeler il y a 10 secondes, et il y a des dérogations qui sont limitatives. Voilà, je suis à disposition pour vos questions.